Amusez-moi s'il vous plaît, j'aimerais panser mes blessures et soigner mon allure. Naviguer dans des mondes parallèles, dans tout l'univers avec empathie. Mon cœur qui apaise, bienveillant pour autrui. Je peux nager dans la vie, la vie.